Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Coffin, l'histoire d'un doute qui ne veut pas mourir. Ben, je dois vous dire qu'il n'y a rien dans toute l'enquête qui me fait croire à moi que Coffin est coupable. Et je suis encore persuadé qu'il est innocent. Je suis certain qu'il y a un grand nombre de Canadiens à l'Halifax à Vancouver qui le sont persuadés qu'ils le resteront longtemps. Le journaliste et futur sénateur Jacques Hébert réagissant à l'époque aux conclusions du rapport de la commission Brossard à l'émission Partage du jour en décembre 1964, c'est la publication en 1963 d'un deuxième livre de Jacques Hébert sur l'affaire Coffin, J'accuse les assassins de Coffin, qui pousse le gouvernement de Jean Lesage à créer la commission Brossard pour examiner le processus judiciaire qui va conduire Wilbert Coffin à l'échafaud en 1956. L'affaire Coffin, c'est l'histoire du meurtre de trois chasseurs américains Gaspésie. C'est l'histoire d'un homme exécuté pour ses meurtres sur les bases d'une simple preuve circonstancielle. C'est l'histoire de l'imbroglio politico-juridique qui va suivre et qui va remettre en cause le système de justice québécois, le régime Duplessis et l'existence de la peine capitale. L'affaire Coffin, c'est enfin l'histoire d'un doute qui subsiste toujours, aujourd'hui encore, quant à la culpabilité de Wilbert Coffin dans cette affaire. On m'a dit, je me suis laissé dire, que des témoins auraient vu une Jeep dans les bois très près du lieu de l'assassinat et qui vous auraient même, je crois, signé un affidavit à ce sujet-là. Bien, voici, c'était à la deuxième enquête, la seule enquête au cours de tout le procès où Coffin a donné sa propre version. Et dans cette version, il alléguait que d'autres Américains se trouvaient sur les lieux vers le 10 juin. Par la suite, des gens de chez moi sont venus me conter qu'ils avaient vu deux Américains en Jeep, dont un des Américains tirait sur un ours. Et j'établis une relation entre ce témoignage-là et la version, la seule et unique que l'on connaisse de Coffin lui-même. En a-t-on tenu compte dans le procès? Non, le procès n'a pas tenu compte aucunement d'aucune déclaration ou de la conduite des trois enquêtes du coroner. Mais les preuves circonstancielles qui ont été définies à l'enquête du coroner vous semblaient-elles être fortes ou faibles pour en arriver à la condamnation de Coffin? Je crois que les preuves de circonstances étaient faibles, mais peut-être pas suffisantes pour incriminer de façon irrévocable, sans possibilité d'erreur judiciaire. Pierre Nadeau, interviewant le coroner Rioux, qui a fait enquête dans le dossier Coffin à l'époque, extrait de l'émission Aujourd'hui du 6 décembre 1963. C'est avec le journaliste Marc Lerando qu'on revient aujourd'hui sur cette célèbre affaire Coffin. Marc Lerando, bonjour. Bonjour. Ça reste, Marc, l'affaire Coffin, l'une des plus célèbres histoires judiciaires et criminelles qu'a vécu le Québec. Et ça continue de nous fasciner aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce que c'est notre affaire Dreyfus qui a divisé le Québec en deux camps, ceux qui défendaient l'institution judiciaire et ceux qui disaient qu'il y a eu une erreur judiciaire et en plus, dans un contexte de peine de mort, il y a tout un débat là, qui commençait à se faire. Et on était à une époque de changement politique et social. La controverse dans l'affaire du procès Coffin est aussi importante que le procès lui-même. Ouais. Il est question de justice, de politique et de liberté de presse dans cette affaire. Ouais. Et on va le faire en deux temps. Donc, on va la raconter en deux temps, cette histoire-là, parce qu'effectivement, il y a l'affaire Coffin comme telle, puisque ça va susciter dans le débat public ensuite. Donc, l'affaire comme telle. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui se passe, Marc Lerando, en juin 1953? Le 5 juin 1953, Eugène Lindsay, 45 ans, mécanicien, prêteur en Pennsylvanie, vient faire une partie de chasse à l'ours en Gaspésie, un sport dont il est déjà friand, et accompagné de son fils Richard Lindsay, 17 ans, et d'un ami de son fils, Frédéric Clark, 19 ans. Les trois sont des chasseurs expérimentés. Lindsay sera parti avec $150 en poche, 650. Les trois sont à bord d'une camionnette verte Ford 1947. Ils ont 10 jours en tout et doivent être de retour en Pennsylvanie le 15 juin. Le 8 juin 1953, les trois arrivent à Gaspé, obtiennent leur permis de chasse, achètent des provisions, entrent dans la forêt. Le 9 juin, le lendemain, le moteur de la camionnette s'arrête et tombe en panne en plein bois. Et là, le 10 juin, les trois chasseurs sont vus pour la dernière fois par Wilbert Coffin, 37 ans, un prospecteur qui détient des claims, c'est-à-dire des concessions minières dans le secteur, accompagné du jeune Lindsay Coffin, parce qu'il a essayé de les déprendre quand il les a vus pris comme ça, il a essayé de les sortir du trou. Il se rend à Gaspé, achète au garage une pompe à essence, les deux reviennent en forêt en fin d'après-midi. Selon la version de Coffin, reprise d'ailleurs par le coroner tout à l'heure, là, ils ont rencontré deux autres chasseurs conduisant une Jeep jaune. Et ils ont soupé ensemble tous les cinq le soir, suivant la version de Coffin, toujours. Et Coffin promet de revenir dans deux jours, vérifier si le groupe Lindsay est toujours en panne. Et Eugène Lindsay, le père, donne 40 $ pour le remercier de ses services. Et là, il part. Ouais. Le corps des trois chasseurs sont retrouvés, les trois corps, sont, un mois après, vers la mi-juillet, dévorés par les ours et portant des traces de balles. Entre-temps, ben là, vers le 13 juin, Wilbert Coffin prend la route vers Montréal. Il visite plusieurs fois le fossé. Il a pris un coup assez solide. Il va rejoindre à Montréal sa compagne de fait, Marion Petrie, avec qui il a un fils. Ouais. Et ça, ça va être déterminant pour la suite des choses parce qu'il sera arrêté et accusé de meurtre le 10 août 53, Wilbert Coffin. Et ce voyage-là va être important dans le fait qu'on l'accuse. Mais oui, parce qu'on se demande pourquoi il y avait sur lui des objets, tant d'objets. Hein, l'argent américain qu'il dépense tout. Contre lui, vous le disiez, une preuve de circonstance. Il est la dernière personne à avoir vu les chasseurs vivants. Il a eu en sa possession des objets compromettants qu'il a apportés chez sa compagne Marion Petrie. Et la fameuse pompe à essence, je note le canif très précieux de Frederick Clark que celui n'aurait pas pu lui donner. Là. C'est le père qui avait dit, de Frederick Clark qui avait dit « Je te prête mon couteau, mais prends-en grand soin. » Puis des jumelles. Et alors, le long de sa route, il va donner de généreux pourboires. Il va se faire coiffer. Il donne le pourboire en argent américain tout le temps, presque tout le temps. Alors, tout ça, ça nous amène à la doctrine de la possession récente qui crée un lien entre l'accusé et un crime commis. Coffin va admettre finalement avoir volé plusieurs de ses objets, mais pas le canif. Curieusement, il dit que ça lui a été donné. Donc, le procès de Wilbert Coffin, puisqu'il est accusé, le procès va s'ouvrir le 12 juillet 54 à Percé. Ce sera un procès très, très suivi. Comment ça se déroule, ce procès-là? On écoute un extrait du reportage de Solveig Miller à l'émission Enjeu en mars 2007. Wilbert Coffin fait face à un jury mixte composé de 6 anglophones et 6 francophones. Qu'il plaise au tribunal, messieurs les jurés, le 6 juin 1953, M. Lindsay... La couronne fait entendre 80 témoins. La défense ne veut pas que Marion Petrie soit interrogée sur sa déclaration compromettante. Were you ever married to anyone? No. Objection rejetée, Marion Petrie n'est pas mariée. Elle va témoigner. I know my husband took $650. Madame Lindsay, elle, déclare que son mari avait en sa possession $650 américains. De nombreux témoins confirmeront que Coffin a dépensé près de $75 dans son périple jusqu'à Montréal en laissant de généreux pourboires et en payant souvent en devises américaines. Your Honor, the defense rests. La défense n'a rien à ajouter. La défense ne présente aucun témoin. Wilbert Coffin garde le silence tout le long du procès. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Un des avocats de Coffin explique qu'il croyait pouvoir susciter un doute raisonnable chez les jurés. Nous avions décidé à un moment donné de laisser reposer la défense, tout simplement, sur les manques qu'il pourrait exister dans la preuve de la couronne, puisqu'il s'agissait d'une preuve circonstancielle. Et c'est sur une preuve dite circonstancielle que le jury a dû juger Coffin. Que dire? On va revenir sur la preuve circonstancielle. C'est important dans un instant, Marc Laurendeau. Mais que dire de la façon dont se déroule ce procès de Wilbert Coffin? C'est pas à armes égales. C'est-à-dire qu'il y a des deux procureurs très expérimentés, Paul Miquelon, frère d'un ministre dans le cabinet du Plessis et lui-même avocat chevronné depuis plusieurs années, Maître Noël Dorion, grand plaideur depuis longtemps et qui vient de faire condamner à mort Albert Gay après avoir fait exploser en plein vol, vous en souvenez, un avion écrasé à Sceaux-Cochon. Ouais. Donc, il est, Maître Dorion, auréolé de sa victoire pour une cause célébrissime, assez proche de Duplessis aussi, secrétaire d'État dans le cabinet d'Effenbaker, une vedette, quoi. Ouais. Alors que les deux avocats de la défense, Raymond Maire et François Duby-Gravel, n'ont pas plus de 50 pratiques. Maître Maire aurait d'ailleurs proposé ses services à la famille Coffin. Alors, on n'est pas à Herzegal. Ouais. Le choix, on en parlait dans l'extrait, ce fameux choix de la défense de ne pas faire témoigner Wilbert Coffin, est-ce que c'est une erreur? C'est à double tranchant, c'est-à-dire que Wilbert Coffin aurait nécessairement été contre-interrogé. On aurait découvert que sa version était contredite par une déclaration écrite de Marion Petrie, sa compagne. Plus grave encore, il aurait été interrogé sur la demande faite par Maître Raymond Maher. Il a demandé ça, Coffin, à Maître Raymond Maher, d'aller chercher son arme dans le bois, ouais, et de la faire disparaître. Alors, ce que Maître Raymond Maher a fait en la jetant à l'eau depuis le pont de Québec, ce qui lui a vu des ennuis avec le barreau par la suite, parce qu'on ne peut pas faire disparaître une preuve. Mais tout ça serait sorti. Vous comprenez que ça aurait joué sur l'intention de Coffin. Ouais. C'était piégé. Par ailleurs, ce qu'il avait pour lui, c'était un... Il était généreux, débonnaire, sympathique. Il donnait des pourboires. Mm-hmm. Il payait la traite, comme on dit, généreusement. Ça aurait pu émouvoir le jury. Ouais, quatre ans de service militaire dans les Black Watch. Il était soutenu par la communauté anglicane protestante de sa région aussi. Ouais. Alors, on aurait pu jouer là-dessus, mais on ne l'a pas fait. Ça a été le silence. Choix stratégique, donc. Et on va justement sur ce choix stratégique entendre un extrait d'une télésérie, Les Grands Procès. Vous allez entendre le comédien Yves Desgagnés qui interprète justement le rôle de Maître Raymond Maher, l'avocat de Wilbert Coffin. C'est sa plaidoirie finale. Puis vous allez bien voir qu'on compte sur le fait que la preuve est tellement faible qu'on n'a pas besoin, au fond, de faire témoigner Wilbert Coffin. Quand il y a un doute dans vos esprits, un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, vous avez le devoir et l'obligation de lui en donner le bénéfice. Parce que la société préfère encore plusieurs coupables en liberté qu'un innocent en punition, en prison ou à l'échafaud. Messieurs, est-ce qu'il y a dans la preuve circonstancielle un ensemble de faits qui détermine de façon certaine que Wilbert Coffin est bien celui qui a tué Richard Lindsay? Il n'y a aucun témoignage précis déterminant sur ce qui s'est passé en forêt. Eh bien, ceci donne libre cours à plusieurs hypothèses, et en particulier à celle-ci. C'est que d'autres personnes que l'accusé ont pu se trouver dans les mêmes parages au moment du meurtre. Malgré l'absence de preuves directes, Marc Laurendeau, malgré le doute soulevé par l'avocat de Wilbert Coffin, le jury ne mettra que 32 minutes pour en arriver à un verdict de culpabilité. C'est incroyable, non? Moi, je pense qu'ils ont tenu compte de ce qui était présenté devant eux, malgré les lourdes pressions à l'extérieur. Parce qu'une preuve de circonstance est quand même une preuve. Une preuve de circonstance, pour qu'elle soit acceptée, elle ne doit pas être compatible avec une autre thèse plausible. Puis l'autre thèse plausible, par exemple la Jeep ou quelqu'un d'autre qui aurait commis le meurtre, il faut que ça soit une possibilité raisonnable, pas une conjecture. Ouais. Comme juré, je trouve ça complexe. Là, si j'avais été un des jurés, j'aurais peut-être demandé plus qu'une demi-heure. Moi. Ouais. Mais il reste que la possession récente d'objets volés par le chasseur, le fait qu'il ait été le dernier à les voir, moi, je pense qu'ils ont dû retenir ça. C'est une preuve de circonstance avec ses failles, mais une preuve tout de même. Cela dit, il va, non seulement il est reconnu coupable, on l'envoie à l'échafaud. Est-ce que c'est fréquent sur une preuve, encore une fois, de circonstance? Est-ce que c'est fréquent à l'époque d'envoyer un homme à l'échafaud sur une preuve de circonstance? Non, parce qu'à l'époque, c'était des meurtres commis lors de hold-up, souvent sur des policiers. Ouais. Alors, on avait des témoins oculaires, on faisait une preuve d'identification, c'était direct. Le cas d'Albert Gay, si célèbre, qu'a défendu d'ailleurs en poursuite Noël Dorion, c'était circonstanciel, mais il y avait un réseau, trois comploteurs qui avaient mis la bombe sur l'avion. Ouais. Alors là, on avait pu, c'est une preuve de circonstance, mais corroborée, plus bétonnée que ne l'était celle contre Coffin. Ouais. Non, c'était pas fréquent de faire ça. Ouais. On en a un petit peu parlé de la pression politique, mais quel poids ça a le fait que les trois victimes soient des Américains sur l'issue du procès? Ben, c'est important parce que la chasse, la pêche, c'est important pour l'industrie de la Gaspésie. Maurice Duplessis, je vous rappelle, est le principal responsable de l'administration de la justice, procureur général. Il voulait que le procès soit, non pas expéditif, mais tout de même efficace. Et dans sa plaidoirie finale, Noël Dorion a fait allusion au message que le jury devait donner à l'opinion internationale. Cela dit, je pense qu'il est encore possible de croire que les jurés ont rendu leur verdict sur les faits qui ont été portés à leur attention, ouais, malgré toute la pression à l'extérieur. La condamnation à mort de Wilbert Coffin va être portée en vain, mais va être portée en appel, Marc Laurendeau. Oui, en appel. Très brièvement, la cour d'appel décline, la cour suprême aussi, mais là, le cabinet de Louis Saint-Laurent, le cabinet fédéral, pose la question à la Cour suprême. Si vous aviez à juger, ouais, comment vous jugeriez? Et là, 5-2 juges ont dit oui, il était coupable. Ouais. Et là, Maurice Duplessis se lance dans une campagne sur l'autonomie provinciale, disant que on a usurpé des pouvoirs. Enfin, c'était son discours politique. Alors, oui, il y a eu... C'est exceptionnel que ça soit entendu de cette manière sur, ouais, ordre du cabinet fédéral. Mais les appels ont été épuisés, là. Voilà. Ce qui fait que Wilbert Coffin est pendu à la prison de Bordeaux à Montréal le 10 février 1956, mais c'est pas la fin de l'histoire. On entre dans toute cette partie qui va suivre l'exécution de Coffin. En 1958, le journaliste, futur sénateur Jacques Hébert, publie le livre « Coffin était innocent ». Il va en publier un autre en 1963, « J'accuse les assassins de Coffin ». Qu'est-ce qui intéresse tant Jacques Hébert dans cette affaire Coffin? On l'écoute répondre aux questions de René Lévesque en janvier 1960. L'affaire Coffin, ça touche de près la peine capitale, alors très généralement la peine capitale. Vous l'aboliriez ou vous la maintiendriez? Ben, je pense bien que le problème ne se pose pas. Sentimentalement, j'ai toujours été contre la peine capitale. Je dis sentimentalement, mais d'une façon plus pratique, plus engagée, c'est depuis que le hasard a voulu que je m'intéresse à un cas particulier d'un gars qui s'appelle Wilbert Coffin. Chapelet, oui. Et qui a été pris dans une affaire par des circonstances embêtantes et qui a finalement été condamné à mort, a été pendu. Maintenant, il y a une chose évidente, c'est pas parce que j'ai pris parti pour le défendre, il y a une chose absolument évidente, c'est qu'il y a actuellement des millions de Canadiens. Des millions? Je dis millions très facilement parce que c'est autant, sinon plus, chez les Canadiens anglais à travers tout le pays, qu'on a des doutes de plus en plus graves quant à la culpabilité de Coffin. Alors, je sais qu'il y a des tas d'arguments philosophiques contre la peine de mort. Moi, j'évite de m'en gargariser, seulement il y a un argument... absolument indiscutable, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sûr si un gars qui a été pendu était vraiment coupable, je pense que ça clôt la discussion. Pourquoi Jacques Hébert s'intéresse-t-il tant à cette affaire Coffin, Marc Laurendeau? Est-ce qu'au fond, il ne se sert pas de cette affaire-là pour faire avancer son propre combat contre la peine de mort? Oui, certainement. C'est quelqu'un qui, à l'époque d'ailleurs, on remettait en question l'usage de la peine de mort. Et il fait partie de cette mouvance-là, progressiste. Ouais. Il a en cela l'appui de Pierre Trudeau, qui, dans Cité libre, écrit et dit, voilà, il est notre nouveau Zola. Et il y a aussi Gérard Pelletier, qui est rédacteur en chef de La Presse, qui va l'appuyer au début des années 60 là-dessus. Même Claude Ryan va l'appuyer. Ouais. Il est pas seul là, à réclamer l'abolition de la peine de mort. Cependant, il mène aussi un autre combat qui est contre Maurice Duplessis, c'est-à-dire pour discréditer l'administration Duplessis, ouais, dont les gens que je viens de vous nommer étaient pour la plupart des adversaires irréductibles. Guerre ouverte contre Duplessis. Oui, c'est un peu ça le climat de l'époque. Il en remet une couche en 63, Jacques Hébert, en publiant un deuxième livre qui s'intitule « J'accuse les assassins de Coffin », ça dit tout. Ça va pousser ça, le gouvernement de Jean Lesage, Marc Laurendeau, à créer une commission d'enquête chargée de réexaminer le processus judiciaire qui a conduit Coffin à l'échafaud. Que va conclure cette fameuse commission Brossard? Ben, que M. Hébert, Jacques Hébert, a manqué de rigueur, que sur 80 témoignages, il n'en a eu que 3, et qu'il a fait des erreurs de fait. Là, il y a des gens qui viennent à sa défense, comme Claude Ryan, qui dit « Oui, mais quand même, sur le fond, il a raison avec l'histoire de la peine de mort. » Mais la charge du juge Brassard, dans le rapport, sur la presse en général, est vraiment déborde, est une sorte de dérapage, parce que là, on se trouve à dire que la presse a trop de pouvoir, que c'est une clique, une mafia, littéralement, qui a attaqué le procès Coffin. Bon, il est vrai que Jacques Hébert était éloquent, qu'il avait l'appui de tous les milieux intellectuels à l'époque, mais là, c'est l'institution judiciaire, ouais, qui se défend bec et ongles. C'est ça qu'on sent dans le rapport de Brassard. Parce qu'il l'avait attaqué assez directement, Hébert, oui, oui, oui, cette institution judiciaire. Et elle disposait d'un procureur, Jules Deschênes, qui va devenir juge en chef de la Cour supérieure, qui prenait chacun des paragraphes du livre de Jacques Hébert et le démolissait en cours et montrait les failles qu'il y avait. Mais là, Claude Ryan va venir à la défense de Jacques Hébert en disant, bon, il est discrédité, il a fait des erreurs, mais attention, sur le fond, il a raison. Puis il ne faut pas qu'on en vienne à museler la presse. Toutes les solutions que propose, draconiennes que propose le juge Roger Brassard, il ne faut pas aller jusqu'à ça. Là, disait le directeur du Devoir à l'époque. Il va devoir s'en défendre, par ailleurs, de ce livre-là devant la justice, Jacques Hébert. Oui, le ministre de la Justice à l'époque, Claude Wagner, le fait citer pour outrage au tribunal. Il est condamné en première instance. C'est Pierre Trudeau, en toge, lui-même qui le défend. En appel, il est acquitté pour la raison suivante, c'est-à-dire que quand on interfère dans un procès, qu'on fait des commentaires pendant que le procès se déroule, on peut nuire à la justice. Mais tant d'années après, c'est pas vraiment un outrage au tribunal. Alors, il a fait jurisprudence avec ça. Alors, au fond, le travail de Jacques Hébert était sérieux en ce qu'il défendait la cause de l'abolition de la peine de mort. C'est un polémiste talentueux, mais sur les faits, il n'a pas été assez rigoureux ni précis. L'affaire Coffin, ça, c'est assez fascinant, va connaître une nouvelle vie dans les années 2000, Marc Laurendeau. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce qu'il y a eu un vote aux communes, Rénal Blais, il y avait Serge Ménard aussi qui était dans l'entourage. On demandait aux autorités judiciaires, autorités fédérales, le ministère de la Justice à Ottawa, de procéder à une révision judiciaire. Vous savez qu'il y a eu une motion unanime aux communes pour voter ça. Malheureusement, le ministère de la Justice n'a pas rendu son rapport. Il y a eu l'association In Defense of the Wrongly Convicted, association qui récemment est venue au secours du juge Jacques Delisle, accusé d'avoir tué sa femme. Alors, c'est la même qui, à l'époque, c'était Elisabeth Windmer qui la représentait, qui avait promis un rapport sur l'affaire Coffin en 2010. Le rapport n'est pas rendu. La question qui tue, pour terminer cette émission, Marc Laurendeau, Wilbert Coffin, était-il coupable? Bon, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans le procès. Le fait que le capitaine Alphonse Matte, par exemple, a enfermé Coffin pendant de longs jours, sans avocat, avec une lumière au plafond, il lui a fait violence, ça ne serait pas acceptable de nos jours. Le procureur Noël Dorion, qui a fait savoir au jury du coroner que, bon, quoi que vous décidiez, là, on va aller à procès de toute manière. Ça, là, de nos jours, ça serait inacceptable. Il y a eu un certain nombre d'irrégularités comme ça, mais qui, selon moi, n'infirment pas cette preuve de circonstance. Elle était... J'aurais été angoissé, moi. Si j'avais été sur le jury, j'aurais été angoissé. Je me serais posé des questions. Comment ça se fait qu'on ne peut pas relier les fils davantage? Mais on pouvait présenter à la Cour une certaine preuve de circonstance. Il a été le dernier à les voir. Et il avait des objets volés en sa possession. Tout ça faisait que... et puis les dates coïncidaient. Le coroner Roussel, le pathologiste, déterminait que c'était autour de la période du 13 juin, je crois, qu'ils avaient été assassinés. Puis c'est à peu près la période où il est parti pour Montréal. Il y a tout ça qui fait qu'on a pu présenter à la Cour une théorie assez solide pour contredire la preuve de circonstance, si bien que j'aurais probablement voté pour la condamnation de Coffin avec angoisse, parce que c'est la peine de mort qui s'en vient. Alors, ça, c'est troublant. Et puis, Maurice Duplessis allait lui refuser de marier sa conjointe, d'épouser Marion Petry et de légitimer son fils. Ça, c'était, à mon avis, de la mesquinerie. Il aurait pu, de façon ouverte, permettre ça. Mais qui fait partie du contexte plus large de cette affaire Coffin. C'est un très, très bel exemple. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault et Christian Côté, à la technique aujourd'hui Martin Lavoie. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.